la moins à son façon. Li fait rouler à moins le rein. Ou ça me gué pas fait l'indifférence. C'est mon médicament. Chaque fois que moi n'a mal aux dents. Li donne à moi la force. C'est gars, c'est mon l'aimé, mon passion. Nous enfants la réunion. Côté ces gars, nous les pareils. À chacun son façon, mais nous tous nous y aiment ça. Nous enfants la réunion. Côté ces gars, nous les pareils. À chacun son façon, mais nous tous nous y aiment ça. Quand on y entend ça, mi oublie tout mon souci, la peine ou la colère. Faut danser, faut crier. Depuis l'enfance, ça n'est dans notre sang, un peu comme l'héritage grands-parents. C'est ça notre musique qui fait la fierté et la nation. L'y fera son manou quand on a pour craser, nous veut ça. Nous enfants la réunion, côté ces gars, nous les parents. À chacun son façon, mais nous tous nous y aiment ça. Nous enfants la réunion, côté ces gars, nous les parents. À chacun son façon, mais nous tous nous y aiment ça. Quand on y entend ça, mi oublie tout mon souci, la peine ou la colère.